Si vous voulez bien, on va relire Romains chapitre 10, des versets 8 à 13. Romains chapitre 10, donc c'est notre chapitre référence aujourd'hui, et vous pouvez garder quelque chose dedans, on va relire des versets 8 à 13. La Bible dit, mais que dit-elle ? La parole est près de toi, c'est-à-dire dans ta bouche, et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de la foi, laquelle nous prêchons. Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'homme croit à la droiture, et avec la bouche, la confession est faite à salut. Car l'Écriture dit « Quiconque croit en lui ne sera pas honteux, car il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, car le même Seigneur sur tous est riche envers tous ceux qui font appel à lui, car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. » Et aujourd'hui, on va continuer notre série de sermons sur la méthode d'évangélisation, ce qu'on appelle le soul winning, le fait d'aller évangéliser, le fait de gagner des âmes. Donc c'est la quatrième et c'est la dernière partie, donc c'est « Comment gagner des âmes » partie 4. Donc on avait étudié ensemble la partie 3, mais ça commence à faire, parce que c'était au mois de novembre, si vous vous rappelez, et je vais revenir rapidement sur ce qu'on avait vu. Mais comme mentionné dans les parties précédentes, c'est vraiment une série très importante, n'est-ce pas ? C'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre très au sérieux, et je vous encourage vivement à prendre des notes, ou à réécouter si nécessaire. Et cette série, donc moi j'ai fait 4 messages, on a fait 4 parties, mais c'est une série qui est basée sur la série de notre pasteur, de notre église en Angleterre, Strong Tower, notre pasteur Ian Taverner, il avait fait 8 sermons, bien détaillé, il avait fait 8 parties pour cette série sur comment gagner des âmes. Donc je vous encourage à aller écouter les sermons de notre pasteur et je mettrai encore une fois la playlist des 8 sermons parce que moi j'ai fait un condensé en 4. Mais je vous encourage vivement à écouter ces sermons qui sont bien plus complets et il y a 8 parties. Donc je mettrai encore dans la description de cette vidéo. Donc c'est la méthode de notre église, donc c'est la méthode de notre groupe, n'est-ce pas ? C'est la méthode qu'on veut mettre en place et on veut toujours s'améliorer. On est là pour s'améliorer, pour évangéliser, devenir meilleur. Et donc on va voir ça dans une quatrième partie. Donc pour rappel, les parties précédentes, qu'est-ce qu'on avait vu ? On avait vu une introduction au soul winning et le démarrage d'une conversation, ça c'était la partie 1. On a vu le péché et ses conséquences et l'évangile, c'était la partie 2. Et on a vu dans la partie 3 la croyance et la sécurité éternelle. Donc on en était resté à la sécurité éternelle. On va revenir où on en était resté. Je vous donne en rappel aussi une liste de versets, si vous voulez les noter ou si vous voulez vérifier, je les répète. Liste des versets qu'on avait vus donc dans cette méthode que vous pouvez utiliser. Bien sûr, il y a des versets que vous pouvez remplacer par d'autres si vous préférez certains, mais après, il y en a qui est bien de garder. Donc, Romains chapitre 3, verset 10. Donc oui, vous pouvez adapter, mais c'est toujours bien de garder une ligne de conduite et de garder cette méthode qui a été attestée et prouvée. Romains chapitre 3, verset 10. Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23, c'était la première partie du verset. Apocalypse chapitre 20, verset 14. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Apocalypse chapitre 20, verset 10, Romains chapitre 5, verset 8, 1 Jean chapitre 5, verset 7, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, Actes chapitre 2, verset 31 et 32, Actes chapitre 16, verset 30 et 31, Jean 3, 16, Jean 3, 36, Romains 6, 23, donc la deuxième partie du verset, Éphésiens chapitre 2, verset 8 et 9, on avait vu Galates chapitre 3, verset 26, ou Jean chapitre 1, verset 12, on a vu Hébreux chapitre 12, versets 5 et 6, et Jean chapitre 5, verset 24, c'est là où on en était resté. Aujourd'hui, on va continuer la présentation de l'évangile. Donc on va voir deux parties aujourd'hui, donc c'est la partie 4, mais on va voir deux parties. On va voir la repentance et invoquer, donc le fait de se repentir et d'invoquer le nom du Seigneur. Et on va voir quelques notions aussi sur l'après-salut, donc quand quelqu'un est sauvé, ce qu'on appelle le follow-up, suivre, et un suivi, et donc faire un exemple d'évangélisation aussi. Et si vous vous souvenez bien, dans le message la semaine dernière, j'avais fait un message sur marcher dans la vérité, si vous l'avez écouté, et j'avais parlé de l'hypocrisie, si vous vous rappelez. Et je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, parce que c'est relié au message d'aujourd'hui, mais j'avais notamment dit que malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui agissent de manière hypocrite, qui font semblant, qui sont superficiels. Et bien sûr, comme j'avais dit, on peut l'être parfois, on est tous pécheurs, personne n'est parfait. Mais il y a des personnes qui le sont plus que d'autres, et il y a des personnes qui condamnent pas non plus ce genre de choses, c'est ce que j'avais dit semaine dernière. Mais l'un des plus gros points justement sur ce sujet de l'hypocrisie, c'est l'évangélisation. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que combien de chrétiens vont évangéliser ? Combien de chrétiens vont vraiment évangéliser avec une méthode biblique ? Et il y en a malheureusement très peu, n'est-ce pas ? Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui vont évangéliser ? Est-ce que vous voyez beaucoup de chrétiens qui vont évangéliser ? Malheureusement, non. Et par chrétien, je veux dire personne sauvée. Une personne qui est sauvée, une personne qui a confiance en Jésus-Christ, une personne qui a cru au vrai salut. Malheureusement, peu de gens vont évangéliser. Pourtant, ils disent aimer leur prochain. Vous rencontrerez beaucoup de chrétiens, ils vont dire, oui, moi j'aime mon prochain, et bien sûr, on veut que les gens aiment leur prochain. Certains même vont faire une soi-disant forme d'évangélisation, juste en donnant des brochures, en donnant des bibles, en donnant des tracts. Mais si vous n'allez pas évangéliser bible en main, Est-ce que vous aimez vraiment votre prochain? Et de même, si vous dites que l'évangélisation, c'est juste donner des tracts, juste donner des brochures et vous avez fait votre part, est-ce que c'est vraiment ça l'évangélisation? La réponse est non. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup, malheureusement, de chrétiens sont hypocrites. Parce qu'ils disent aimer leur prochain, et ils vont dire oui, moi j'aime mon prochain. Ils disent évangéliser, mais en fait, non. Et c'est triste, parce que on devrait tous faire ça. Mais c'est pour ça qu'une des raisons aussi pourquoi, malheureusement, beaucoup de chrétiens sont hypocrites. Et donc, si c'est votre cas, ça doit changer. Parce qu'on veut que les gens aillent prêcher l'évangile. Si vous aimez votre prochain, vous allez vouloir prêcher l'évangile. Et vous n'allez pas laisser les gens aller en enfer. Vous allez faire votre possible. Donc c'est pour ça qu'on veut toujours continuer à le faire nous-mêmes. On veut toujours continuer à l'évangéliser, toujours à garder cette grande commission et à apprendre à évangéliser si vous ne savez pas le faire. Donc si vous ne le faites pas, si vous écoutez et que vous évangélisez pas, je sais que tout le monde le fait ici, mais si quelqu'un écoute en ligne ou écoute plus tard, et c'est pas juste le dire, oui, moi je veux aller évangéliser dans un an, dans deux ans. Il faut vraiment avoir cette détermination de, voilà, je veux apprendre à évangéliser. Je veux apprendre, je suis en route pour ça. J'apprends, je prépare ma méthode. Je viens comme partenaire silencieux, par exemple. Et si vous l'êtes pas, vous devez être en route pour ça. En route pour ça. Dans la voie de, je vais évangéliser. Pas juste dire, oui, je verrai plus tard. Non, il y a un travail à faire et il faut être dans l'objectif de vouloir aller évangéliser, se mettre à l'action. Donc ça, c'était une introduction. La première partie aujourd'hui, donc si vous êtes dans Romains chapitre 10, on va relire des versets 8 à 10. Première partie, c'est cette notion de repentance et d'invoquer le nom du Seigneur. Et donc, de la première partie de cette quatrième partie, c'est ça, repentance et invoquer. Donc, retournons en Romains chapitre 10, relisons des versets 8 à 10. Il est dit, mais que dit-elle? La parole est près de toi, c'est-à-dire dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de la foi, laquelle nous prêchons. Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'homme croit à la droiture et avec la bouche, la confession est faite à salut. Donc, dans ce passage, la Bible est claire que ça parle de comment on est sauvé, n'est-ce pas? Comment on peut être sauvé? Il faut confesser de sa bouche et croire dans son cœur, n'est-ce pas? C'est ce qu'on voit vraiment dans ce passage. Confesser de sa bouche, croire dans son cœur. Et c'est intéressant parce qu'il est mention de la parole de la foi. Et la parole de la foi, il est dit dans ta bouche et dans ton cœur. Ça montre quoi? Ça montre clairement qu'on est sauvé en croyant dans son cœur, mais en invoquant le nom du Seigneur également, n'est-ce pas? Comment on croit en Jésus-Christ? En plaçant sa confiance en lui, en invoquant son nom. Croire, c'est placer sa confiance en. Quand vous dites « je crois en Jésus-Christ », ça veut dire que vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ pour votre salut. Donc c'est le fait de placer sa confiance en invoquant le nom du Seigneur. Il est dit « mais que dit-elle? La parole est près de toi, c'est-à-dire dans ta bouche et dans ton cœur. » Donc on confesse de notre bouche, on croit dans notre cœur. C'est-à-dire la parole de la foi à laquelle nous prêchons. Donc la Bible est vraiment claire que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et malheureusement, le mot « repentance », vous le savez, mais le mot repentance, il est souvent utilisé à mauvais escient, n'est-ce pas? Beaucoup de gens prêchent ce qu'on appelle la repentance des péchés pour le salut. Ce qui est un salut par les œuvres, qui est un faux salut. De même, il y a des gens qui vont critiquer cette doctrine du fait d'invoquer le nom du Seigneur. Ils vont dire non, c'est une œuvre. Si tu as besoin de demander à Jésus de te sauver, si tu as besoin d'invoquer son nom, c'est que c'est une œuvre. Tu serais sauvé par tes œuvres. Et ça, c'est des mensonges et c'est des non-sens, n'est-ce pas? Parce que si vous demandez un cadeau à quelqu'un, c'est pas une œuvre. Si vous demandez à Jésus de vous sauver, il n'y a pas d'œuvre. Vous placez votre confiance en lui. Romains chapitre 10, c'est clairement dans le contexte du salut. La vraie repentance, c'est pas se repentir de ses péchés pour être sauvé parce que ce serait des œuvres. Non, c'est se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et changer d'avis. Vous croyez peut-être dans une fausse divinité, dans une fausse religion, dans vos œuvres, en vous-même, et vous tournez vers Jésus-Christ et vous placez votre confiance en lui. Ça, c'est la repentance sincère pour le salut. C'est changer d'avis sur sa fausse croyance. C'est pas de se repentir de ses péchés. Amen. Et se repentir, c'est nécessaire au salut. Donc, laissez pas les gens qui parlent de repentance des péchés vous faire dire « Non, je vais pas parler de la repentance. » Parce que, non, la repentance, c'est nécessaire au salut. La Bible est claire. Amen à ça. Amen, hein, oui, on doit se repentir pour être sauvé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire arrêter de croire en soi. Ça veut dire arrêter de croire dans ses œuvres, arrêter de croire dans une fausse divinité et se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ afin de croire en lui pour être sauvé. Ça, c'est la vraie repentance pour le salut. Et de même, invoquer le nom du Seigneur, c'est pas une œuvre. Quand on demande un cadeau à quelqu'un, vous n'êtes pas en train de mériter votre cadeau. Non, vous le demandez simplement. Donc, demander à Jésus de nous sauver, c'est toujours gratuit, le salut est toujours gratuit. Parce qu'il y a des gens, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais il y a des gens qui attaquent cette doctrine. Peut-être il y a des gens qui viendront un jour en mettant en doute cette doctrine, mais non, on est clair sur ça. Pour être sauvé, il faut invoquer le nom du Seigneur. Ça fait partie du fait de croire en Jésus-Christ. Allez dans Genèse chapitre 4, si vous voulez bien. Donc, pour résumer ça, la repentance Invoquer le nom du Seigneur et croire au Seigneur Jésus-Christ, ce serait, si c'était possible, les trois faces d'une même pièce. S'il pouvait avoir trois faces à une pièce, trois faces d'une même pièce. Repentance, croire au Seigneur Jésus-Christ, invoquer le nom du Seigneur, ça va ensemble, c'est la même chose. C'est la même chose, croire sincèrement en Jésus-Christ, avoir confiance en lui, ça implique le fait de s'être repenti et ça implique le fait de lui demander, ça implique le fait d'invoquer son nom. Donc les trois choses sont inséparables pour le salut. Vous ne pouvez pas dire, moi j'ai été sauvé parce que j'ai cru en Jésus-Christ, par contre j'ai jamais invoqué le nom du Seigneur, je ne me suis pas repenti. Non, si vous avez cru en Jésus-Christ, vous vous êtes repenti, vous avez invoqué le nom du Seigneur. Ça va ensemble, c'est la même chose. C'est mettre sa confiance en lui. Regardez Genèse chapitre 4 au verset 26. Genèse chapitre 4 verset 26. Donc là on est dans la méthode, mais on va reprendre là où on en était après. Là vraiment je montre cette importance de invoquer, se repentir, qu'est-ce que ça veut dire, et ça permet de construire sur le fait que même après on va voir ça quand on veut faire invoquer le nom du Seigneur à quelqu'un et quand on veut l'aider à placer sa confiance en Jésus-Christ. Regardez Genèse chapitre 4 verset 26, il est dit: et à Seth, à lui aussi naquit un fils et il appela son nom Enos. Alors les hommes commencèrent à invoquer le nom du Seigneur. Quand il est dit ici qu'ils commencèrent à invoquer le nom du Seigneur, c'est-à-dire que ça parle du salut. Invoquer le nom du Seigneur, c'est égal à être sauvé. Donc ils invoquent le nom du Seigneur pour le salut. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand il est dit ici qu'ils ont invoqué le nom du Seigneur, ça veut dire qu'ils se sont repentis et qu'ils ont cru. Ils ont cru dans le fait que le Messie allait venir un jour. Ils se sont repentis de leurs propres œuvres. Donc quand il est dit invoquer le nom du Seigneur, la Bible est exacte avec ça. Ça englobe ces trois concepts. On peut pas séparer ces trois concepts pour le salut de quelqu'un. Il y a des versets qui parlent d'invoquer, il y a des versets qui parlent de croire, il y a des versets qui parlent de se repentir, mais ça engendre, quand ça parle du salut, ça, les trois concepts sont réunis dans le même verset. Quand il est dit « repentez-vous », dans certains passages, ça parle pour le salut, n'est-ce pas? Quand il est dit « crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé », c'est pour le salut. Quand il est dit « invoquer le nom du Seigneur », c'est pour le salut. Et ça comprend ces trois concepts. Donc quand il est dit invoquer le nom du Seigneur, c'est pas à exclusion de la repentance et croire dans la venue prochaine du Messie. Sinon, ça va ensemble. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment ces trois faces, si c'était possible, d'une même pièce. On peut pas ajouter le Seigneur Jésus à un salut par les œuvres, par exemple. N'est-ce pas? Vous pouvez pas dire oui, moi je crois en Jésus-Christ, par contre je dois quand même aller à l'église pour être sauvé. Non, vous n'êtes pas repenti, donc vous n'êtes pas sauvé. Vous devez vous repentir de votre faux salut. Donc ça va ensemble. De même, on doit invoquer le nom du Seigneur pour le salut. Ça veut dire qu'il y a un point dans notre vie où quelqu'un a dit, voilà, je me repens. Il va pas forcément se dire, mais il va se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, il va arrêter de croire dans ses œuvres ou dans sa fausse religion, il va placer sa confiance en Jésus-Christ, il va invoquer le nom du Seigneur, c'est un jour précis. Donc ça veut dire qu'il y a un jour précis où quelqu'un invoque le nom du Seigneur pour être sauvé aussi. Si quelqu'un vous dit, moi je suis sauvé, par contre, j'ai jamais demandé à Jésus de me sauver, c'est bizarre. C'est bizarre, parce que peut-être la personne ne se souvient pas l'avoir fait, elle ne se souvient pas du jour de son salut. Et il n'est pas dit qu'on est sauvé en se souvenant du jour de son salut, n'est-ce pas? On sait si on est sauvé ou on n'est pas sauvé, on ne se souvient pas forcément quand est-ce qu'on l'a fait, mais il y a un moment donné où si vous êtes sauvé, vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Donc si quelqu'un vous dit, moi je crois en Jésus-Christ, par contre je suis contre le fait d'invoquer et j'ai jamais demandé à Jésus de me sauver, il y a un problème. Il y a un problème, pourquoi vous n'allez pas demander à Jésus de vous sauver si vous voulez être sauvé? Donc voilà, je voulais illustrer ça aussi avec un exemple, tout simple. Mais n'importe qui croit en un faux salut, n'importe qui croit que par exemple, se repentir c'est pas juste se tourner vers Jésus-Christ, mais c'est se repentir de ses péchés, n'importe qui croit qu'il n'y a pas besoin d'invoquer le nom du Seigneur, juste cet exemple, ça les prouve menteurs. Donc je vais prendre un exemple qui, c'est vrai, c'est pas quelque chose que vous pourrez retrouver dans la vie normale forcément. Mais imaginez quelqu'un qui est déposé au milieu de la mer par hélicoptère, vous posez quelqu'un au milieu de la mer, pourquoi je prends cet exemple? C'est parce qu'il n'y a pas de bord. Vous imaginez la plage qui a des kilomètres. Et la personne n'a pas possibilité de se sauver, en fait. Elle n'a même pas la possibilité de nager jusqu'à la plage. Donc imaginez quelqu'un qui est posé au milieu de la mer par un hélicoptère. Il est posé dans cette mer. Au bout d'un moment, il n'a plus d'énergie, n'est-ce pas? Il ne peut plus nager. Il a besoin d'être sauvé. Il ne peut pas aller jusqu'à la plage. Donc il commence à sentir qu'il se noie. Bien sûr, l'hélicoptère est resté à proximité pour surveiller. Imaginez que c'est un test. L'hélicoptère est toujours là. Que va faire cette personne? Au bout d'un moment, elle va crier à l'aide, n'est-ce pas? Elle va dire, c'est bon, j'ai plus de force, sauve-moi. Pourquoi il crie à l'aide? Parce qu'il peut pas se sauver lui-même. Il crie à l'aide parce qu'il a confiance que dans l'hélicoptère, il y a quelqu'un qui peut le sauver. Et j'espère que vous me suivez. Mais dans cet exemple, on retrouve les trois concepts qui sont reliés au salut, lesquels la repentance. Il croit pas qu'il va pouvoir sauver lui-même. Il croit pas que ses propres efforts vont faire qu'il va pouvoir aller jusqu'à la plage. Non, il se tourne vers le sauveur. Et imaginons que la personne dans l'hélicoptère est le sauveur. Croire, parce qu'il doit avoir confiance que la personne qui va venir le chercher va le sauver. Il a confiance, il place sa confiance, voilà, sauve-moi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rester simplement comme ça? Non, il va crier à l'aide. N'est-ce pas? Dire sauve-moi. Il va dire aide-moi, sauve-moi. Invoquer le sauveur pour être sauvé. Vous pouvez pas dire il va pas demander de l'aide, n'est-ce pas? C'est ridicule. Quelqu'un qui est posé au milieu de la mer et qui reste comme ça et il veut dire non, je vais pas demander à l'aide. J'ai envie d'être sauvé, mais je vais pas. Non, il va demander de l'aide. Il va demander de l'aide. Donc s'il croit pouvoir être sauvé, il va forcément invoquer. Il va pas juste dire oh pas besoin de demander, non ça va ensemble, pas besoin de demander, non ça va ensemble, le fait d'invoquer, le fait de se repentir et le fait de croire. Donc repentance, croire et invoquer, c'est le salut, amen. Ici ça parle du salut physique de quelqu'un, j'ai pris un exemple mais on pourrait prendre tout un tas d'autres exemples, mais le salut spirituel c'est croire, invoquer, se repentir de ses propres œuvres, se tourner vers Jésus, croire en lui en invoquant son nom. Donc c'est assez simple quand on comprend ce principe. Retournez dans Jean chapitre 5 si vous voulez bien. Tout ça, c'est la première partie, donc partie 4, comment gagner les âmes, et je voulais vraiment parler de la notion de repentance, le fait d'invoquer, le fait de croire, pour bien qu'on comprenne que ces trois vont ensemble pour le salut de quelqu'un. Et c'est important qu'on prêche sur ces doctrines, parce que c'est attaqué, malheureusement, et on doit toujours prêcher, c'est le salut. C'est des doctrines reliées au salut extrêmement importantes. Donc on va continuer la méthode. Donc dans la partie 3, on avait fini avec Jean chapitre 5, verset 24, donc avec la sécurité éternelle. On va retourner en Jean chapitre 5, verset 24, on va le relire pour voir où est-ce qu'on en était. Jean chapitre 5, verset 24, Jésus nous dit, donc ça c'est le dernier verset qu'on donne sur la sécurité éternelle, si vous l'utilisez. Il est dit, en vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie sempiternelle, et vous pouvez dire ça veut dire éternelle, et ne viendra pas en condamnation mais est passé de la mort vers la vie. Donc c'est un verset qui enseigne clairement l'assurance du salut d'au minimum trois manières possibles, n'est-ce pas ? La vie sempiternelle, donc la vie éternelle, c'est la vie pour toujours, ça peut pas s'arrêter. Ne viendra pas en condamnation, péché passé, présent et futur sont pardonnés, l'assurance d'avoir été pardonné et de jamais aller en enfer, mais est passé de la mort vers la vie. Il n'y a pas de mort, vie, non, c'est mort vers la vie. L'esprit est sauvé pour toujours. C'est au présent, au moment où vous placez votre confiance en Jésus, vous êtes sauvé. Vous êtes passé d'une personne morte à une personne vivante. C'est l'esprit, votre esprit est vivant pour toujours. Et donc là, quand vous avez expliqué ça, c'est le moment où justement poser des questions à la personne. Vous avez vu tout, le péché et ses conséquences, on a vu l'évangile, la sécurité éternelle, donc c'est le moment de poser des questions. Je vous les rappelle, je les avais mentionnés, mais pour rappel, première question que vous pouvez poser à quelqu'un, êtes-vous d'accord que vous êtes pécheur? On veut que la personne reconnaisse, oui, je suis pécheur. Où tous les pécheurs méritent d'aller, où on mérite d'aller à la base? Il faut que la personne dise, voilà, on mérite tous d'aller en enfer. Qui est Jésus? Donc voilà, on veut que la personne dise, voilà, Seigneur Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est Dieu, donc qui vous croyez que Jésus est? Est-ce que vous croyez qu'il est le Fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Donc il faut bien sûr que les gens disent, il est mort pour nous, et vous pouvez demander pour la résurrection, voilà, vous pouvez dire, est-ce que vous croyez qu'il est mort pour vos péchés? Est-ce que vous croyez qu'il est ressuscité d'entre les morts? Donc c'est qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Et que faut-il faire pour être sauvé? Là, c'est important de poser une question ouverte, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous devez faire pour être sauvé? Pour vraiment voir qu'est-ce que la personne a dans le cœur, parce que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pour ça qu'on veut poser des questions aussi ouvertes ici. Donc s'ils disent croire en Dieu, vous pouvez dire est-ce que c'est juste croire en un Dieu? On veut vraiment que les gens disent c'est croire en Jésus-Christ, pas croire en un Dieu, croire. Et de mon côté, souvent aussi, si la personne dit il faut croire, souvent je demande, vous verrez si vous voulez le rajouter, mais est-ce que croire suffit ou est-ce que vous devez aussi faire des bonnes actions en plus pour aller au paradis? Précisez bien que c'est pour aller au paradis. Les gens, des fois, vont dire oui, il faut croire, mais c'est bien aussi de faire des bonnes actions. En fait, ils veulent dire c'est bien dans votre vie chrétienne. Et donc précisez, non, je parle pour aller au paradis. Il faut que les gens disent oui, croire, ça suffit. Vous pouvez rajouter ça si vous voulez. Et une fois que vous avez cru, est-ce qu'on peut perdre son salut? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous pouvez faire? Est-ce que si vous faites un grave péché, est-ce que vous pouvez encore aller en enfer? C'est important de poser cette question, que la personne soit sûre et dise non, voilà, on peut pas perdre son salut. C'est possible de donner un exemple de péché aussi, pas des choses extrêmes, comme j'avais déjà mentionné, mais un péché grave. Donnez pas des exemples bizarres. Par exemple extrême, je veux dire des exemples bizarres, si je tue 10 personnes ou ce genre d'exemple vraiment bizarre, ça peut faire peur à la personne, non. Donnez, voilà, par exemple, vous pouvez donner l'exemple de Saül aussi, vous pouvez dire Saül a tué des gens, il s'est suicidé, etc. Des graves péchés comme ça, mais pas des exemples bizarres. Comme voilà, se suicider, tuer quelqu'un, etc. Bien sûr, en disant que c'est des choses qu'on ne doit jamais faire, mais où est-ce que vous pouvez encore aller en enfer? Donc poser des questions, c'est vraiment extrêmement important de poser des questions, parce qu'on veut avoir des saluts sincères, n'est-ce pas? On n'est pas des 1, 2, 3, répète après moi, non, on veut poser des questions. N'ayez pas peur que les gens n'aient pas compris. Justement, on veut savoir, quand vous posez des questions, c'est pour vous assurer que la personne a compris et que vous assurez que la personne est prête à invoquer le nom du Seigneur. Donc c'est important de poser ces questions, notez-les si vous les avez pas. C'est mieux de les noter plutôt que se dire « Ah, peut-être que je vais m'en rappeler », non, notez-les, s'il vous plaît, essayez de les noter quand vous les connaissez, alors faites-les. Mais là, on a vu 6 questions, et c'est important de pas oublier une question essentielle comme « Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ?» ou « Est-ce qu'on peut perdre le salut ?» C'est des questions essentielles à poser pour voir si la personne a bien compris. Si la réponse de la personne n'est pas convaincante, revenez avec elle sur qu'est-ce qu'elle mentionne par ça, peut-être revenez dans un verset si nécessaire. Donc s'ils ont bien répondu, là maintenant c'est le moment de revenir sur ce qu'ils ont dit en début de conversation, et ça on avait vu dans démarrer la conversation. Même si quand vous demandez à quelqu'un, si la personne vous dit oui je suis sûr ou non je suis pas sûr, demandez-lui qu'est-ce qu'elle croit faire pour aller au paradis et retenez ce qu'elle vous dit. Demandez à la personne, si elle vous dit je suis sûr, qu'est-ce qui fait que vous êtes sûr, qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire. Et si la personne dit non, vous lui dites qu'est-ce que vous croyez qu'il faudrait faire si jamais vous voulez aller au paradis. Et retenez ce que la personne dit. C'est pour ça que c'est important de le demander au début. Vraiment, n'oubliez pas ça, parce que c'est un point clé de la présentation de l'évangile pour voir si la personne a changé d'avis. Donc, exemple, demandez en début de conversation s'ils sont sûrs d'aller au paradis, s'ils disent oui ou non. Demandez ce qu'ils croient faire et retenez ce qu'ils vous disent. Retenez ce qu'ils vous disent pour revenir après dessus. Donc, leur demander s'ils ont changé d'avis. Vous pouvez leur dire, par exemple, quelqu'un vous a dit « Oui, je crois qu'il faut être une bonne personne. » Leur dire, vous m'aviez dit en début de conversation, vous croyez qu'il faut être une bonne personne. Est-ce que vous avez changé d'avis maintenant? Est-ce que c'est différent de ce que vous m'aviez dit avant? Parce que là, ça permet de voir la repentance. Est-ce que la personne a changé d'avis? Et si vous voulez voir un exemple de ça, si vous comprenez pas trop ce que je vous explique, on va faire une présentation après avec frère Tristan pour mettre ça en pratique. On va le voir, mais vraiment c'est important de demander ça. Des fois vous pouvez demander s'ils connaissent le mot repentance et leur expliquer ce que c'est que la repentance. C'est justement arrêter de croire dans ses œuvres et croire en Jésus-Christ. C'est changer d'avis sur ce que tu croyais et placer ta confiance en Jésus-Christ. Donc c'est important qu'ils reconnaissent qu'ils ont changé d'avis, que c'est différent. Parce que si quelqu'un vous dit non, je croyais déjà ça et buté, il veut pas changer, ça veut dire que la personne elle croit déjà être sauvée, elle ne veut pas se repentir. Donc c'est vraiment une question vraiment essentielle. Et demander en étant gentil, donc notez ce que la personne a dit, et vous pouvez leur dire, avant que ce qu'on a vu dans la Bible ensemble, vous voyez que ce qu'on a vu ensemble, c'est différent de ce que vous croyez avant, est-ce que vous avez changé d'avis par rapport à ça. Et vous pouvez dire, la plupart des gens croient comme vous, moi aussi, j'ai cru avant qu'il fallait être une bonne personne, si vous aviez cru ça, mais il y a un moment donné où on doit changer d'avis. Vous pouvez leur dire, c'est pas ce que la Bible dit. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, après toutes les questions, vérifiez s'ils ont changé d'avis, et là, c'est extrêmement important, et notre pasteur veut que tout le monde fasse ça. C'est vraiment extrêmement important, cette question qu'on voit ensemble, et que vous connaissez, vous, mais que peut-être des personnes plus tard viendront et connaissent pas, ou des gens en ligne ne connaissent pas, mais vraiment, notre pasteur veut que les gens fassent ça dans notre église, donc par extension dans notre groupe, parce qu'on fait partie de l'église. Mais s'il vous plaît, avant de faire prier quelqu'un, demandez-leur, et vous pouvez leur dire, avant qu'on se parle, Dieu nous en garde, si vous êtes arrivé quelque chose hier, et heureusement vous êtes là aujourd'hui, c'est pas le cas, en croyant ce que vous croyez avant, où est-ce que vous seriez allé? Demandez à la personne, si vous étiez arrivé quelque chose hier, vous seriez mort, vous croyez qu'il fallait faire des bonnes actions? Où est-ce que vous seriez allé? Vous seriez allé au paradis ou en enfer? Si vous étiez arrivé quelque chose, vous seriez allé en enfer ou au paradis? S'ils n'acceptent pas à ce moment-là qu'ils seraient allés en enfer, alors priez pas avec la personne. Si la personne n'accepte pas, je serais allé en enfer, pourquoi prier avec la personne pour qu'elle invoque le nom du Seigneur pour être sauvée d'enfer alors qu'elle croit qu'elle serait déjà allée au paradis? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que cette question est vraiment importante. Et je sais pas pour vous, mais c'est quelque chose que moi j'utilise que depuis récemment. Avant je posais pas cette question et je suis sûr qu'il y a des gens si on leur avait posé cette question, ils auraient dit je serais allé au paradis. Et en fait nous avant on avait prié avec la personne en croyant que mais en fait la personne avait pas vraiment compris. Donc ça permet de minimiser ça permet de maximiser la chance d'avoir un salut sincère en fait. Ça permet d'être sûr que la personne a vraiment compris. Et si on a fait ça avant, je suis sûr qu'on n'a pas posé cette question. Plein de gens ont été sauvés sans cette question. Mais c'est mieux parce qu'on le voit maintenant aujourd'hui aussi, qu'il y a des gens qui vont pas avouer qu'ils seraient allés en enfer. Ça veut dire que ça sert à rien de prier avec cette personne. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais parce que comment vous pouvez être sauvé de l'enfer si vous croyez que vous allez déjà au paradis? N'est-ce pas? Si quelqu'un dit « je serais allé au paradis », s'il accepte pas qu'il était en route pour aller en enfer... Parce qu'il y a des personnes qui vont dire « je serais allé au paradis », précisez avec eux, redemandez. Ça arrive que des fois, des gens vous disent « au paradis » comme ça par réflexe, ou parce qu'ils n'ont pas bien compris la question, donc reprécisez avec la personne. J'ai eu plusieurs personnes, ils ont dit « au paradis », vous reprécisez avec eux, ils auraient dit « ah non, c'est vrai, je serais allé en enfer ». Peut-être qu'ils n'ont pas réalisé, peut-être qu'ils n'ont pas compris, mais c'est important de... Si la personne vous dit non, de repréciser, vous dites « non, mais vous vous souvenez, vous aviez dit ça ?» Maintenant, vous voyez que c'est différent. Est-ce qu'on peut aller au paradis par ses bonnes actions? Si la personne dit non, ou est-ce que vous seriez allé alors? Il y a des gens qui vont dire oui, c'est vrai, je serais allé en enfer. Tant que la personne n'accepte pas, on ne fait pas avec la personne. Il faut que la personne accepte, revenir sur ça, aller dans Matthieu chapitre 7, si vous voulez bien. Donc, vous pouvez redemander s'ils répondent mal. Mais vraiment, les gens doivent sincèrement se repentir de leur fausse croyance. C'est pour ça que j'ai parlé de la repentance avant, parce qu'il faut se repentir de sa fausse croyance pour invoquer le nom du Seigneur. Donc, ne priez pas avec quelqu'un qui n'a pas accepté. Donc, si la personne n'a pas accepté, que vous essayez de repréciser, elle accepte toujours pas, peut-être c'est bien d'expliquer avec des versets. Romains chapitre 11, verset 6, par exemple, qu'on avait vu dans un verset complémentaire, mais vous pouvez aussi utiliser Matthieu chapitre 7, des versets 21 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Et vous pouvez utiliser Jean chapitre 6, verset 39 et 40 en complément. Si vous allez dans Jean chapitre 6, verset 39 et 40, on voit quelle est la volonté du Père, c'est qu'on croit au Fils, qu'on ait la vie éternelle. Donc Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, il est dit « Ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et chassé les diables en ton nom, et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom, et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. » Vous qui pratiquez l'iniquité. Donc, pourquoi utiliser ce passage? Simplement pour dire aux gens que vous voyez qu'il y a des gens qui font confiance dans leurs œuvres. Jésus va leur dire qu'il ne les connaît pas. Pourtant, ils se disent chrétiens. Même là, dans le passage, si vous y allez, c'est des faux prophètes. Mais ils disent, on a fait des œuvres en ton nom. Donc, c'est important. C'est pour ça que c'est important d'avoir demandé en début de conversation ce qu'ils croient. De pas oublier pour leur dire, mais vous vous souvenez au début, vous aviez dit que vous croyez dans vos œuvres. Ces gens qui croient dans leurs œuvres, ici, Jésus dit, je ne les connais pas. Donc, ça permet à la personne de prendre conscience, c'est vrai, avant, j'allais aller en enfer. Que la personne accepte qu'elle allait en enfer parce qu'elle croyait dans ses œuvres. C'est un passage qui peut aider la personne à réaliser ça. Donc, au début, demander aux personnes ce qu'ils croient, c'est très important. Il faut leur montrer qu'ils ont tort et il faut qu'ils acceptent qu'ils étaient en route pour l'enfer. Allez dans Romains chapitre 10, de nouveau, si vous voulez bien. Et donc, quand ils se sont sincèrement repentis, s'ils ont accepté, ils ont dit oui, moi j'ai changé d'avis. S'ils disent j'allais aller en enfer, ils ont accepté ça. Vraiment ne pas avancer avant qu'ils acceptent. Maintenant, après Jean chapitre 5, verset 24, c'est Romains chapitre 10, verset 9. Après avoir posé les questions, après s'être assuré de ce qu'on a vu avec la personne, c'est Romains chapitre 10, verset 9. C'est pour ça qu'on a lu ce passage en début de message. Il est dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc vous pouvez expliquer ce passage en disant, voilà, si vous dites à Jésus que vous croyez en lui, si vous y croyez dans votre cœur, vous êtes sauvé. Et donc ça, c'est comment on croit en Jésus-Christ, comment placer sa confiance en lui. Donc expliquez ça. Et vous pouvez après aller aussi dans Romains chapitre 10, verset 13 en complément, si vous voulez, car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Donc vous dites à la personne, voilà, on a vu ça ensemble, si vous voulez être sauvé, je vais vous aider à demander, à ce que vous puissiez demander à Jésus de vous sauver, je vais vous aider à placer votre confiance en Jésus-Christ. Vraiment, encouragez-les à le faire. Faites comme si c'était naturel, en disant, voilà, je vais vous aider à le faire. Ne soyez pas dans, peut-être que tu veux prier. Non, dites, voilà, la Bible dit, si tu confesses, si vous avez cru ce qu'on a vu, on va invoquer le nom du Seigneur ensemble. Bien sûr, il faut que vous y croyez dans votre cœur. Donc, ne pas forcer, mais les implorer de le faire. Il faut les convaincre de le faire. Il faut les convaincre de le faire. Parce que n'oubliez pas que c'est le moment de croire. C'est pas un ajout à l'évangile, là. Romains chapitre 10, verset 9, c'est pas, ah, mais de toute façon, ils ont déjà cru avant, donc il y a pas, non, c'est pas un ajout, là. Là, c'est le moment où les gens vont placer leur confiance en Jésus-Christ, et on veut que les gens soient sauvés. Donc, c'est pas un ajout à l'évangile, une option, c'est l'évangile. N'est-ce pas? Ça fait partie de l'évangile que pour être sauvé, il faut invoquer le nom du Seigneur. Avec tout ce qu'on a vu avant, bien sûr, aussi. Donc, croire se fait par invoquer le nom du Seigneur, c'est ça, placer sa confiance. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux gens qui attaquent cette doctrine. Donc, des personnes peuvent croire. Il y a des personnes qui vont peut-être croire tout ce que vous avez présenté avant. Ils vont bien répondre, etc., mais ils vont pas vouloir invoquer. Ça veut dire que c'est pas le moment pour eux d'être sauvés. Et on peut supposer que des gens peut-être vont le faire chez eux, mais il faut essayer de les convaincre de le faire maintenant. Mais si les gens, maintenant, il y a des gens qui, maintenant, ils vont bien répondre, vous pensez qu'ils étaient réceptifs, et ils vont rejeter à ce moment-là. Ils vont dire, non, moi, de toute façon, j'étais déjà sauvé, non, ils vont rejeter Jésus, ils vont rejeter le salut. Ils vont dire qu'ils ont déjà cru ou autre. Là, ça montre que la personne s'est pas repentie. C'est là, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors, bien sûr, dépendant de la personne, on peut l'encourager à le faire, peut-être qu'elle a juste besoin d'encouragement. Mais on voit là des fois qu'il y a des gens qui vont dire non mais non je préfère pas le faire en fait je suis pas prêt à être sauvé. Il y a des gens qui vont peut-être dire ça. Donc c'est pour ça que c'est important cette doctrine d'invoquer le nom du Seigneur parce que c'est là où la personne elle place sa confiance en Jésus-Christ. Donc si la personne, elle est nonchalante, elle voit pas l'urgence du salut, il y a des fois des gens qui vont dire « Ah, pff, je ferai plus tard » ou etc. Vous pouvez aller dans Luc chapitre 16, on va pas y aller aujourd'hui, mais Luc chapitre 16, ça peut montrer l'urgence du salut. Ça peut faire que quelqu'un qui disait « Non, je le ferai plus tard », que finalement la personne va dire « Oui, c'est vrai, je vais le faire maintenant ». Parce qu'il y a des gens qui peuvent être sauvés après avoir été dans ce passage de Luc chapitre 16. C'est quoi, c'est l'histoire de Lazare et de l'homme riche? Luc chapitre 16, à partir du verset 19, vous pouvez lire dans l'histoire et vous pouvez expliquer que voilà, cet homme, il est allé en enfer. Comme vous savez, on a un corps physique, on est fragile, on peut mourir demain. C'est pour que les gens aient peur. Et peur d'aller en enfer afin qu'ils invoquent le nom du Seigneur. Donc c'est un passage qui peut montrer en plus que l'enfer est éternel, que vous voulez pas être cette personne. Donc on veut montrer l'urgence sans forcer la personne, ça peut aider. Donc si la personne dit qu'elle veut le faire plus tard, encouragez-les à faire maintenant parce qu'il y a des distractions dans la vie, on le sait, n'est-ce pas? La personne va dire « Moi, je vais le faire plus tard. » Et en fait, la personne ne va peut-être jamais le faire. Donc on croit bien sûr que si quelqu'un répond à la lumière, on espère qu'elle va être sauvée plus tard, mais on ne veut pas les forcer, mais on veut les encourager à le faire. Parce qu'il y a des distractions dans la vie. Donc si la personne se repent, elle est prête à être sauvée, alors le faire. Donc vous pouvez dire, vous pouvez répéter après moi, je vais vous donner un exemple de prière. Peut-être que vous avez déjà une prière qui est bien, mais vous pouvez dire « Seigneur Jésus-Christ, je sais que je suis un pécheur. » Je sais que je mérite d'aller en enfer, mais je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort, a été enseveli et est ressuscité des morts pour payer pour mes péchés. J'ai confiance seulement en toi, sauve-moi et donne-moi la vie éternelle. Vous pouvez dire, sinon, s'il te plaît, emmène-moi au paradis quand je mourrai. Amen. Donc ça, c'est un exemple de prière que vous pouvez faire avec la personne. Après, vous êtes assuré de tout ce qu'on a vu ensemble. Et bien sûr, il y a des gens qui vous disent, oui, mais les personnes muettes, alors, elles ne peuvent pas confesser de leur bouche. En fait, les gens peuvent parler dans leur cœur. Une personne muette, Dieu va sauver aussi les gens muets, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'ils peuvent pas parler qu'ils vont pas être sauvés. Donc il y a des gens qui vont utiliser des exemples grotesques comme ça en disant « Oui, mais une personne muette, elle peut pas invoquer le nom du Seigneur. » Ils sont pas capables de parler, Dieu les entend. Et bien sûr, pour la vaste majorité des gens, les gens peuvent parler. Donc les gens doivent invoquer le nom du Seigneur. Quand vous écoutez l'évangile, vous dites au moins « Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi. » N'est-ce pas? Donc pour cette partie, les choses à ne pas faire. Donc, pour conclure cette partie, plusieurs choses à pas faire. Donc certaines on a vu à travers déjà, mais ne pas les faire invoquer s'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. S'ils n'ont pas compris quelque chose, ne les faites pas invoquer le nom du Seigneur, mais assurez-vous qu'ils aient bien compris. C'est pas une prière de chance non plus, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'ils vont prier qu'ils vont forcer, qu'on va se dire, je vais le faire prier parce que comme ça il va être sauvé. Non, s'il croit pas, il va pas être sauvé. Et on invoque le nom du Seigneur en croyant en lui. Donc c'est pas une prière de chance. Quelqu'un vous a mal répondu et vous dites, je vais quand même le faire prier, comme ça peut-être qu'il va être sauvé. Non. Pour être sauvé, il faut croire dans son cœur, il faut confesser de sa bouche. C'est pas un 2-3 répète après moi, donc c'est pas une lucky prayer, une prière de chance. C'est la personne qui invoque le nom du Seigneur par la foi. Donc faire de son mieux pour ça. Bien sûr, on a prié avec des gens qui n'ont pas cru, c'est une certitude. Si vous croyez que tous les gens qui ont prié avec vous ont cru, non, il y a des gens qui n'ont pas cru. Mais si vous êtes assuré qu'ils ont compris, si vous avez prêché l'évangile, si vous avez fait avouer que les gens ont mérité d'aller en enfer, alors vous avez fait de votre mieux. Après, c'est entre la personne et Dieu, on peut pas forcer les gens. Nous, on peut se fier que ce qu'ils disent. Donc ça peut arriver qu'il y a des gens à qui vous avez prié qui n'ont pas cru, mais ça peut arriver aussi qu'il y a des gens avec qui vous n'avez pas crié, mais qui vont croire plus tard aussi. Donc certaines personnes qui n'ont pas cru vont peut-être croire plus tard. Donc ne pas abandonner, quelque chose à éviter aussi, n'abandonnez pas s'ils sont hésitants ou disent qu'ils vont le faire plus tard. Donc voilà, on veut vraiment convaincre la personne, aller dans Luc chapitre 16 si c'est le cas, ne pas forcer mais encourager. Donc ça, c'était la première partie. Allez dans Actes chapitre 8. Si vous voulez bien, première partie, c'est invoquer la repentance et le fait d'invoquer. Donc on a vu à travers Romains chapitre 10, verset 9 et Romains chapitre 10, verset 13. Si la personne a bien répondu, on veut aider la personne à invoquer le nom du Seigneur. Maintenant, si la personne a cru, on va voir dans cette deuxième partie, de cette quatrième partie de comment gagner de l'âme, c'est ce qu'on appelle le follow-up, donc le suivi. Et un exemple d'évangélisation, on va faire un exemple avec frère Tristan par la suite. Donc si la personne a invoqué le nom du Seigneur, Dieu soit loué. Dieu soit loué, et vous pouvez vous réjouir avec la personne, vous pouvez dire, voilà, Dieu soit loué, si vous avez cru en Jésus-Christ, félicitations, vous êtes enfant de Dieu. Et c'est pas, vous avez prié, vous en allez, non. Vous voulez dire félicitations, si vous avez cru, vous êtes sauvé. Et si vous avez fait votre mieux, vous dites que la personne est sauvée. Alors vous pouvez parler un peu de la vie chrétienne, notamment à travers Actes chapitre 8, regardez, on va lire à partir du verset 34. C'est un bon passage, si vous voulez aller dans un passage pour expliquer la vie chrétienne. Actes chapitre 8, verset 34 et les suivants. Donc c'est l'histoire de l'eunuque et Philippe. Pardon. Il est dit au verset 34, « Et l'eunuque répondit à Philippe et dit, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou d'un autre homme ?» Alors Philippe ouvrit sa bouche et commença à la même écriture et lui prêcha Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, il vint à une certaine eau et l'eunuque dit, « Vois, il y a ici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. » Et il répondit et dit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il commanda que le chariot s'arrête et ils descendirent tous deux dans l'eau, tous deux, Philippe et l'eunuque, et il le baptisa. Donc on veut les encourager à quoi ? À se faire baptiser. Alors expliquez que maintenant vous avez cru, Dieu soit loué. Mais Dieu a une ordonnance, il y a un commandement vraiment important, c'est de se faire baptiser. Et ce passage montre que c'est un baptême par immersion et qui se fait après le salut. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? D'abord, tu dois croire. Si vous avez cru aujourd'hui, bah, vous pouvez vous faire baptiser. Et c'est un commandement de Dieu. Faites-leur bien comprendre que c'est après le salut et que c'est par immersion. S'ils ont été baptisés bébés, il faut leur dire avec gentillesse que c'est pas un baptême qui a de la valeur, n'est-ce pas? C'est un baptême qui est non biblique. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, moi j'ai déjà été baptisé. Et on va dire j'ai été baptisé bébé, ou ils vont dire j'ai été baptisé, mais en fait ils n'étaient pas sauvés. Et un bébé, il n'a pas besoin d'être sauvé. Un bébé c'est à part, mais je veux dire quelqu'un qui a un âge pour comprendre. Donc ça veut dire qu'ils doivent se faire rebaptiser, leur expliquer, voilà, vous voyez comme dans l'histoire, on doit se faire baptiser après avoir cru. Et ça se fait par immersion, c'est pas juste des gouttes qu'on met sur le front de quelqu'un. Donc il faut le refaire. Donc si les personnes ont sincèrement cru au Seigneur Jésus, ont été sauvées, ça ne veut pas dire qu'ils vont venir à l'église, n'est-ce pas? On le voit ici que tous les gens qu'on a sauvés, ils viennent pas à l'église, n'est-ce pas? Ils viennent pas dans notre groupe. Ça veut pas dire qu'ils vont faire quoi que ce soit, malheureusement. Si quelqu'un est sauvé, il va peut-être jamais aller à l'église, jamais se faire baptiser, peut-être jamais lire la Bible, ou peut-être la lire seulement quelques fois. C'est pas une garantie, parce que ça, c'est la dure réalité de la vie chrétienne. On voudrait que les gens sauvés fassent des œuvres, mais c'est pas automatique. On croit pas ça ici, n'est-ce pas? On croit qu'une fois que quelqu'un est sauvé, il a le choix. Il a le choix. On a tous un choix à faire, le choix d'être disciple. Donc il faut s'en rappeler parce que ça peut être frustrant des fois. N'est-ce pas? Quand vous savez que vous avez des gens sauvés, que les gens viennent pas, que vous avez il y a des gens qui vont vous dire oui, je viendrai la semaine prochaine et vous les attendez et ils viennent toujours pas. Ça peut être frustrant parce que malheureusement, c'est la réalité, mais peu de gens, après être sauvés, veulent être disciples. Et Dieu fait de grandes choses à travers peu, et c'est Dieu qui construit l'église, donc on doit continuer à encourager les personnes à venir. C'est pas parce que les gens viennent pas, qu'on se dit, bon, bah, j'arrête, de toute façon, ça marche pas. Donc, continuons à encourager les gens à venir, même si le succès est faible, on le sait. Si vous avez déjà évangélisé depuis assez longtemps, vous voyez que malheureusement, ouais, le succès est faible que les gens viennent, et encore plus faible que les gens viennent évangéliser, parce que c'est une chose de venir, mais ça veut pas dire qu'ils vont rester non plus. Combien de personnes disent qu'ils vont venir aussi, donc la semaine prochaine, ou je vais venir vous visiter, et ils viennent pas, en fait. Et il faut l'accepter. Mais il faut continuer à le faire. Continuer à le faire. On doit continuer à essayer, continuer à y travailler. Donc la première chose, c'est les encourager à se faire baptiser après que quelqu'un soit sauvé. N'oubliez pas, prenez un petit moment, si la personne a le temps, parlez-lui du baptême. Voilà, vous pouvez leur dire, voilà, nous on a un pasteur, montrez qui est notre pasteur. Notre pasteur vient régulièrement, il peut baptiser des personnes. Et si la personne, je vais en parler après, mais vous donne son contact, vous pouvez l'inviter aussi quand il y a des événements qui sont organisés. Première chose, donc, encourager à se faire baptiser. Vous pouvez parler aussi brièvement du fait de lire la Bible. Vous pouvez utiliser Matthieu chapitre 4, verset 4. On va pas y aller, mais c'est un verset que vous pouvez utiliser. Voilà. Vous pouvez leur dire, on a une Bible à offrir. Si vous venez nous visiter, on pourra vous offrir une Bible. Il nous fera plaisir de vous offrir une Bible si vous venez nous visiter dans notre groupe. Et les encourager à lire la Bible. Vous pouvez leur dire aussi qu'ils peuvent commencer par le livre de Jean. C'est un bon endroit pour commencer, pour la lecture de la Bible. Et probablement, je vais bientôt faire dans un premier temps, des petites cartes. Où il y aura un lien où les gens pourront aller voir notamment le sermon sur « Maintenant que je suis sauvé ». Parce que là, on a des cartes pour prendre le contact des gens, mais je vais probablement faire d'autres cartes, et on verra après avec le temps si on part sur autre chose. Et je les mettrai à disposition, mais que des cartes que vous pourrez donner aux gens que vous avez eu de sauver. Comme ça, au moins ils auront un code, un QR code à scanner pour voir un sermon sur « Qu'est-ce que je dois faire maintenant que je suis sauvé ?» et mettre un petit mot dessus. Voilà, je pense que je vais faire une carte comme ça. Ça permet de donner une carte aux nouveaux croyants. Qu'ils aient du matériel à regarder. Donc voilà, comme on fait déjà, on continue à le faire, n'est-ce pas? Continuer à encourager les gens à se faire baptiser, à lire la Bible, à venir nous visiter, leur dire qu'on peut leur offrir une Bible. Prenez le contact de la personne, si la personne veut bien vous donner son contact, forcez pas les gens, si vous voyez que la personne ne veut pas, et demandez qu'à des gens qui sont majeurs. Si vous hésitez, demandez-leur quel âge ils ont. Si vous dites 17 ans, vous prenez pas le contact de la personne. Il faut que la personne soit majeure, pas les personnes mineures. Donc une fois, si la personne vous a donné son contact, vous pouvez l'inviter. Et il y a un principe important aussi, si vous êtes si par exemple un homme célibataire de notre groupe a une dame sauvée, donnez le contact d'une dame à une dame de notre groupe. Si vous êtes un couple marié, l'homme peut parler à un homme et la femme à une femme. C'est mieux de faire comme ça. Donc voilà, si par exemple, frère Tristan a un monsieur sauvé, il peut écrire à ce monsieur. S'il a une dame sauvée, il peut le donner à sa femme pour qu'elle puisse envoyer un message. Donc continuons à faire ça, à prendre le contact si la personne est majeure, inviter la personne. Donc il y avait un exemple type de message que j'avais mis dans le groupe, vous pouvez l'adapter, mais voilà, c'est bien de dire à la personne qu'elle est la bienvenue, lui rappeler qu'elle peut venir nous visiter. D'autant que possible, faites-le le jour même. C'est mieux si le dimanche vous avez quelqu'un sauvé, si vous pouvez le faire le soir ou dans les jours à venir, parce qu'il y a plus de chances que la personne réponde, je pense, en tout cas de ce que j'ai vu. Et invitez la personne. Si la personne ne répond pas, vous pouvez quand même envoyer un message plus tard s'il y a des baptêmes organisés en disant voilà, on organise des baptêmes, vous pouvez vous faire baptiser à tel moment. Bien sûr, si au bout d'un moment la personne au bout d'un moment, si vous n'écrivez pas 10 messages à la personne, si elle répond jamais, n'est-ce pas ? Là, c'est du bon sens. Et si la personne est sauvée, donc je revois avec vous parler du baptême, dire de lire la Bible, prendre le contact si la personne veut bien le donner et ne pas forcer et donner cette carte avec une vidéo que je vais probablement faire. Et vous pouvez finir avec une question en disant voilà, j'espère qu'on se reverra, mais si on se revoit jamais ou est-ce qu'on se reverra un jour, vous pouvez finir la conversation avec ça pour que la personne vous dise au paradis. Si elle vous dit on se reverra en enfer, un problème. On veut que la personne se reverra au paradis. Ou si la personne vous dit je sais pas trop. Peut-être c'est bien de vérifier avec elle, peut-être qu'elle l'a dit parce qu'elle a un peu peur, mais c'est... voilà, on veut que la personne dise bien sûr au paradis, au ciel. Peut-être qu'elle va vous dire, ah, je sais pas pour vous, mais pour moi je sais. Non, ça arrive pas ça, généralement. Donc n'oublions pas aussi, c'est un principe important par rapport au suivi, qu'il y a des personnes qui vont venir, ils vont pas rester, malheureusement. Ça veut pas, ils vont pas forcément aimer la prédication biblique, c'est pas parce que quelqu'un vient qu'il va aimer la prédication dure. Malheureusement, il y a peu de disciples. Donc ne soyez pas frustrés si les gens viennent et restent pas, on peut pas les forcer, on peut les encourager, mais ils doivent venir de leur plein gré, n'est-ce pas ? Seigneur Jésus dit « Suivez-moi, et je vous ferai pécheur d'homme. » Peut-être qu'ils sont pas prêts non plus, peut-être que ça peut leur prendre du temps. Pour ajouter aussi, oui, si vous prêchez à plusieurs personnes, si par exemple vous avez un groupe de 2-3 personnes, si vous prêchez à 2-3 personnes, vraiment focalisez-vous sur la personne qui écoute. Si vous avez un groupe de 3 personnes, vous voyez qu'il y en a qu'un qui écoute, focalisez-vous sur cette personne. Focalisez-vous sur cette personne qui est attentive parce que on veut pas perdre trop de temps avec les gens qui sont pas réceptifs, on va se focaliser sur la personne qui est réceptive. Alors vous pouvez redresser l'attention, mais vraiment, ça se voit quand quelqu'un est plus attentif. Si vous voyez quelqu'un décroche, laissez cette personne décrocher au bout d'un moment. Vous n'allez pas toujours vous focaliser sur la personne qui en fait elle veut pas. Focalisez-vous sur la personne qui est réceptive. Donc regardez bien, soyez attentif. Ne pas perdre celui qui est réceptif en étant trop focus sur ceux qui ne le sont pas. Et après, vous pouvez revenir sur les autres après. Mais si vous voyez, même quand vous posez des questions, des fois ça arrive, vous posez des questions, il y a 3 personnes, il y en a 2 qui répondent bien, il y en a 1 qui répondent mal. Finissez déjà avec les 2 et après revenez peut-être avec la 3e personne. Mais parce que sinon, ça se trouve, vous allez perdre les 2, vous allez perdre toutes les personnes en même temps. Donc avec un groupe, c'est bien de demander l'attention. Un partenaire silencieux aussi, il peut aider. Il peut prendre quelqu'un à part qui dérange ou s'il y a un trop gros groupe, il peut, voilà, vous pouvez vous organiser à 2. Donc pour la préparation, prenons toujours des brochures, bien sûr, qui sont à disposition. Prenez des brochures en français, en anglais, en espagnol, des cartes contact et autres. Préparons nos bibles si pour améliorer la méthode par rapport à ce qu'on a vu ensemble. C'est important d'améliorer notre méthode. Donc posons des questions, assurons-nous qu'ils répondent bien aux questions, qu'ils ont changé d'avis et qu'ils reconnaissent qu'ils étaient en route pour l'enfer. C'est ce qu'on a vu principalement aujourd'hui. Maintenant, on va montrer un exemple avec frère Tristan d'évangélisation. Il y a juste une autre chose que je veux préciser avant. Par rapport à tout ce qu'on a vu ensemble, je dis pas que je suis le meilleur soul winner, je dis pas que quelqu'un ici est le meilleur soul winner. On apprend toujours, n'est-ce pas ? On apprend toujours à évangéliser. Mais ça, c'est une bonne méthode. C'est une bonne méthode qui a été approuvée, qui a été testée, qui a porté du fruit. C'est interactif, comme on a pu voir ensemble. C'est assez simple, c'est efficace. Donc, je vous encourage à avoir une méthode comme ça. Peut-être si vous voulez utiliser 1 Pierre 2:24 au lieu de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, par exemple. C'est pas une grosse différence. Mais c'est une bonne méthode à apprendre parce qu'on veut toujours s'améliorer. Donc, on va faire un exemple d'évangélisation. Donc on met en scène comme si je rencontrais quelqu'un dans la rue, comme ça vous voyez un peu comment c'est et comment ça se passe. Bonjour monsieur, on donne ses invitations, on est chrétien baptiste, on est de Tourfort Baptiste, on a un groupe ici si vous voulez regarder, donc on se réunit au Casar le dimanche, on est un groupe chrétien baptiste. Est-ce que vous êtes chrétien vous-même ? Oui, moi je suis catholique. D'accord. Vous allez dans une église ici ? Oui, je vais à l'église Notre-Dame, la basilique là. D'accord. Et plus important que ça, voilà, on invite les gens à venir dans notre groupe, si vous voulez venir. On pose cette question à tout le monde. Est-ce que vous avez l'assurance à 100% d'aller au paradis ? Parce que vous savez que la Bible parle du paradis et de l'enfer. Est-ce que ouais, vous-même, vous êtes sûr d'aller au paradis ? Non. Pas du tout, non. Ok. Et si, voilà, si quelqu'un vous demandait qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au paradis, qu'est-ce que vous croyez qu'il faudrait faire pour aller au paradis ? Moi, je suis baptisé. baptisé. D'accord. Croyez que c'est le baptême, les bonnes actions? Oui, suivre l'Église. D'accord. Bah, la Bible dit quelque chose de différent. Si vous avez quelques minutes, je peux vous montrer dans la Bible. Et vous verrez qu'il n'y a qu'une seule chose à faire pour vous assurer d'aller au paradis. Vous voulez bien qu'on regarde ensemble? Oui, volontiers. Super. Il y a peut-être des concepts que vous connaissez déjà. On va aller dans Romains chapitre 3, verset 10. Il est dit, comme il est écrit, il n'y en a aucun de droit, non, pas un seul. Donc, je pense que vous savez déjà, personne n'est parfait. Ouais. Ça veut dire qu'on a tous commis des péchés. Est-ce que vous auriez un exemple de péché à me donner? Mentir. Mentir, oui. Mentir, c'est un péché. Et vous êtes d'accord qu'on a tous déjà menti? Si on est honnête, on sait qu'on a menti. Tout le monde a menti. Oui. Et la Bible nous dit, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Donc Dieu nous dit, voilà, on est tous pécheurs, on ne peut pas atteindre sa gloire. Ça veut dire qu'on a besoin d'être pardonné de nos péchés si on veut aller au paradis. Et je ne sais pas si vous saviez, mais il y a une conséquence au péché. Est-ce que vous savez quelle est la conséquence du fait qu'on est dans nos péchés, qu'on est pécheurs? L'enfer. Oui, c'est l'enfer. Dans Romains chapitre 6, on va voir le début du verset 23, il est dit « Car le salaire du péché est la mort ». Ça veut dire que puisqu'on a commis des péchés, qu'on a enfreint la loi de Dieu et que Dieu est parfait, on mérite tous d'aller dans un lieu qui s'appelle l'enfer, comme vous avez dit. Et je vais vous montrer un passage où il y a toute une liste de péchés dans Apocalypse. Ici, il est dit « Mais les craintifs, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les proxénètes, et les sorciers, et les idolâtres ». Et notez bien qu'il est dit « Et tous les menteurs ». Et comme vous avez dit, on a tous déjà menti. Et du coup, est-ce qu'on est tous dans cette liste, vous croyez? Tout le monde a menti. Exactement. Et où est-ce que vont tous les menteurs? Il est dit, auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Donc, la Bible nous dit, puisqu'on a commis des péchés, on a tous menti, on mérite tous d'aller en enfer. Je ne sais pas si vous saviez, mais l'enfer, c'est un lieu qui est éternel. Les gens qui vont en enfer, ils sont pour toute l'éternité. Par exemple, ici, dans Apocalypse chapitre 20, à la fin du verset 10, il est dit, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Donc, c'est un lieu où on n'a pas envie d'aller, vous êtes d'accord? Je ne pense pas que vous avez envie d'aller en enfer, non. De brûler pour toujours. Non. Est-ce que vous croyez que Dieu veut qu'on aille en enfer? Non, Dieu est amour. Exactement. Dieu nous avertit, parce que Dieu est juste, donc il nous dit qu'on mérite tous d'aller en enfer, mais vous avez raison, Dieu nous aime, donc il a pourvu une solution pour nous sauver de l'enfer. Ici, il est dit, mais Dieu dirige son amour vers nous, en ce que, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait par amour pour nous? Il a envoyé Jésus-Christ. Et est-ce que vous savez qui est Jésus-Christ? Qui il est pour vous? Il est le Fils de Dieu. Oui, il est le Fils de Dieu, exactement. Il a été envoyé par le Père. Est-ce que vous connaissez la Trinité aussi? Oui, bien sûr. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Super. Oui. Je vais vous montrer un verset pour le confirmer. Mais il est dit qu'il y en a trois qui attestent dans le ciel. Le Père, donc c'est Dieu le Père. La parole, c'est le Fils. C'est Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et l'Esprit Saint. Et ces trois-là sont un. Donc Dieu est trois personnes, ce qu'on appelle communément la Trinité, mais un seul Dieu. Donc le Père a envoyé le Fils. Et si vous êtes familier un peu avec Jésus-Christ, il est venu sur Terre, il a fait des miracles, il a guéri des gens. Et comme vous savez, malheureusement, enfin, il a été pris par des mauvaises personnes, mais heureusement pour nous, parce qu'il est venu se sacrifier pour nous. Mais est-ce que vous savez pourquoi il est mort sur la croix, justement? Pourquoi Jésus-Christ est venu et qu'il s'est laissé, parce qu'il est Dieu, comme on a vu, il s'est laissé faire et il est mort sur la croix pour nous. Il est mort pour nous. Oui, exactement. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, car il a fait être péché pour nous. Celui qui n'a connu aucun péché, afin que nous puissions être faits la droiture de Dieu en lui. Donc, ça veut dire qu'il a porté nos péchés, il est mort pour nous. Donc, je disais malheureusement, dans le sens, voilà, des gens l'ont fouetté, crucifié, mais heureusement pour nous, il a été fait péché pour nous. Et celui qui n'a connu aucun péché, parce que le Seigneur Jésus n'a jamais péché. Il est parfait, il est Dieu. Et donc, il est mort pour nos péchés, il a été enseveli. Et est-ce que vous savez ce qui est arrivé 3 jours après? Il est ressuscité. Il est ressuscité, ça veut dire qu'il est revenu à la vie, exactement. Il y a un passage ici qui nous parle d'une prophétie, justement, de la résurrection de Jésus-Christ dans Actes. Il est dit, lui, voyant cela d'avance, parla de la résurrection de Christ, que son âme n'a pas été laissée en enfer, que sa chair non plus n'a pas vu la corruption. Donc, il est clair ici qu'il est ressuscité. Je ne sais pas si vous saviez, mais quand il a été enseveli, la Bible dit que son âme est allée en enfer. Il dit que son âme n'a pas été laissée en enfer. Pourquoi? Parce qu'il est allé en enfer payer pour nos péchés. Il fallait qu'il meure sur la croix pour nos péchés, qu'il aille en enfer et qu'il ressuscite le troisième jour. Donc ça, c'est ce qu'il a fait pour nous. On mérite tous d'aller en enfer à cause de nos péchés, mais Dieu le Père a envoyé son Fils qui est mort pour nous et ressuscité. Est-ce que vous pensez qu'on va tous automatiquement aller au paradis alors? Non. Non, exactement. Il y a une seule chose qu'on doit faire, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Ici, il y a cette question qui est posée dans la Bible. Vraiment une réponse claire après, où il est dit, messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Donc, être sauvé d'où? De l'enfer. De l'enfer, exactement. Donc, ça veut dire comment on peut aller au paradis. Et il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé et ta maison. Donc, vous voyez ce que dit la Bible? Elle dit de croire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il est dit d'être une bonne personne? Non. De faire des bonnes actions? Non. Non. Il est dit seulement de croire. Ça veut dire avoir confiance. Je vous montre un autre passage qui en parle. Dans Jean chapitre 3, c'est le Seigneur Jésus qui nous dit lui-même au verset 16, « Car Dieu aima tant le monde qu'il donna son seul Fils engendré, donc en parlant du Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie sans péternelle, donc la vie éternelle. » La Bible dit que si vous croyez en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas périr, donc il est mention encore de croire. Mmh. Je vais vous donner un exemple tout simple pour illustrer, parce que croire, ça veut dire avoir confiance. Imaginez que j'ai un ami, et il passe un examen écrit, et je lui dis, voilà, je crois en toi, tu vas réussir. Ça veut dire que j'ai confiance en lui. Est-ce que si je prends sa feuille et je le fais à sa place, vous pensez que j'ai vraiment confiance en lui? Non, vous n'avez pas confiance. Exactement. Donc si vous dites à Jésus, je crois en toi, mais je dois faire des bonnes actions pour le paradis, est-ce que vous avez vraiment confiance en lui? Non, j'ai confiance en vous-même. Exactement, parce que si vous croyez dans vos bonnes actions, vous croyez pas en Jésus-Christ, vous croyez en vous-même. Et où va aller cette personne, du coup, si elle croit en elle-même? Est-ce qu'elle va aller au paradis ou en enfer? Aller en enfer. Oui, exactement, ouais. Parce qu'elle ne croit pas en Jésus-Christ, elle croit en elle-même. Je vais vous donner ce verset pour illustrer ça, c'est Jean chapitre 3, verset 36. Il est dit, celui qui croit au Fils a la vie sans péternelle. Donc vous voyez, c'est au moment présent, vous avez la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. Ça veut dire qu'il n'y a que deux types de personnes. Mmh. Le pécheur numéro 1, il croit dans ses bonnes actions, il croit qu'il faut mériter sa place pour le paradis, il croit qu'il faut aller à l'église. Où est-ce que cette personne va aller à votre avis? Cette personne qui croit dans ses bonnes actions. Elle va aller en enfer, le courroux de Dieu sur elle, en fait. Et quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, où est-ce qu'il va aller? Au paradis, il a la vie éternelle. Oui, exactement, il a la vie éternelle. Et on avait vu que celui qui croit, il est dit, ne périsse pas. Donc il ne périt pas, ça veut dire qu'il ne peut pas aller en enfer, mais il a la vie éternelle, ça veut dire qu'il va aller au paradis. On va aller dans Romains chapitre 6, on avait vu le début du verset 23, on va lire la suite, où il était dit, car le salaire du péché est la mort. Donc souvenez-vous, chacun d'entre nous, on est pécheur, on mérite d'aller en enfer, et Dieu a envoyé son Fils, il est mort sur la croix pour nous, il est ressuscité, et donc en croyant en lui, on a la vie éternelle, parce qu'il est dit ici, mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc vous voyez, aller au paradis, c'est un don. Si c'est un don, si c'est un cadeau, est-ce que vous devez payer pour ça? Non. Non. Si je vous dis, voilà, j'ai cette Bible, je vous la donne, mais vous devez me payer 50 francs. Est-ce que c'est un cadeau? Non, c'est... Je dois l'acheter. Exactement. Et un franc? Pareil. Pareil. Et si je vous dis, je vous donne cette Bible, mais en échange, vous devez laver ma voiture. Est-ce que c'est vraiment un cadeau que je vous fais ou il y a une condition? Non, c'est conditionnel. Exactement. Mais la Bible dit que non, c'est un don d'aller au paradis. Ça veut dire que c'est offert. Vous n'avez pas à rajouter les bonnes actions. Ouais. Vous avez seulement à le recevoir gratuitement. Il y a un autre passage aussi qui confirme ça dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9, où il est dit ici, car par grâce, vous êtes sauvés. Une grâce, ça veut dire que c'est gratuit. C'est une faveur imméritée. Souvenez-vous, nous, on mérite d'aller en enfer, mais Dieu nous pardonne gratuitement. Par le moyen de la foi, donc la foi, c'est le fait de croire, d'avoir confiance, il est dit, et cela pas de vous-même. C'est le don de Dieu, donc on retrouve cette notion de don, de gratuité. Et il est dit, un non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Pourquoi? Parce que si on croit qu'on est sauvé par nos œuvres, par nos bonnes actions, etc., on se vante, et on se croit meilleur que les autres. Et donc, où cette personne va aller, si elle croit dans ses œuvres? Est-ce qu'elle peut aller au paradis? Non. Non, exactement. C'est pour ça qu'il faut vraiment croire dans la grâce de Dieu, avoir seulement confiance en Jésus-Christ. Et la Bible parle de cette notion de la nouvelle naissance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la nouvelle naissance. Pas vraiment. Le fait d'être enfant de Dieu, d'être né de nouveau. Ah oui, d'être enfant de Dieu, oui. D'accord. Par exemple, dans Jean chapitre 1, verset 12, il est dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc en parlant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, à eux, il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » La Bible dit que le jour où vous croyez en Jésus-Christ, Dieu, il devient votre père. Ça veut dire que vous n'étiez pas son fils avant. Parce que combien de fois vous devez devenir l'enfant de quelqu'un? Une fois. Une fois, exactement. Donc combien de fois on doit devenir l'enfant de Dieu? Une fois. Exactement. Il est dit devenir les fils de Dieu. Et est-ce qu'on peut arrêter d'être l'enfant de notre père une fois qu'on est devenu son fils? Non. Et d'autant plus avec Dieu. C'est notre père éternel. Ça veut dire que quand vous avez cru en Jésus-Christ, Dieu est votre père pour toujours. Il n'y a rien qui peut vous séparer de son amour. Par contre, qu'est-ce qu'un père aimant il fait à son enfant quand il fait des mauvaises choses? Qu'est-ce que vous croyez qu'un père aimant va faire à son fils? Il va le châtier. Il va le châtier, ouais. C'est ce que dit la Bible, ça veut dire qu'il va le punir. Ici, il est dit dans Hébreux chapitre 12, car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. Donc, la Bible nous dit que quand on est enfant de Dieu, on ne peut plus aller en enfer. Par contre, on aura une punition sur cette terre si on commet des péchés. D'autant plus si on commet des graves péchés. Je vais vous donner un exemple extrême dans la Bible. C'est le roi Saül. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du roi Saül. Il était juste avant le roi David. Et il avait cru. Et il avait placé sa confiance dans la venue du Messie. Et il avait reçu cette vie éternelle. Il était enfant de Dieu. Mais après, il a eu une vraiment mauvaise vie. Malheureusement, il a tué des gens et il s'est suicidé. Il ne faut jamais faire des choses pareilles, bien sûr. Où est-ce que vous croyez qu'il est allé à sa mort? S'il avait cru et qu'après, il a fait toutes ces choses? D'après ce que vous montrez, s'il a cru... Il est au paradis. Exactement. Et pourquoi ? Parce que quand vous avez cru, c'est la vie éternelle, c'est pas la vie temporaire que Dieu peut vous reprendre. Et en plus, Dieu pardonne vos péchés passés, présents, mais aussi futurs. C'était ses péchés futurs. Et c'est un exemple, justement, et la Bible est claire qu'il est allé au paradis. Pourquoi ? Parce qu'il avait cru. Vous avez bien compris. Je vais vous montrer ce verset qui résume un peu tout ce qu'on a vu ensemble. Ici, dans Jean chapitre 5, au verset 24, il est dit « en vérité », donc vous voyez, c'est important, Jésus-Christ dit deux fois « en vérité ouais. », je vous dis, « celui qui entend ma parole ». Et vous avez vu, aujourd'hui, je vous ai vraiment montré des versets de la Bible, cité des versets de la Bible, parce que c'est la parole de Dieu que vous écoutez, c'est vraiment votre confiance doit reposer dans la parole de Dieu. Il est dit « et crois en celui qui m'a envoyé », donc si vous croyez que le Père envoyait le Fils, qui est mort pour vous et qui est ressuscité, la Bible dit « a la vie sans éternelle », donc c'est au moment présent. Vous n'avez pas à attendre plus tard, Dieu vous la donne aujourd'hui. Et éternel, est-ce que ça peut s'arrêter si Dieu vous donne cette vie éternelle ? Non. Non, c'est pour toujours. Exactement. Il est dit, il ne viendra pas en condamnation. Ça veut dire que vous ne serez jamais condamné. Tous vos péchés passés, présents, mais aussi futurs sont pardonnés. Mais passer de la mort vers la vie, ça veut dire que votre esprit est mort à cause de vos péchés, mais le jour où vous croyez en Jésus-Christ, votre esprit est vivant pour toujours. Vous avez cette notion de vie éternelle. Vous ne pouvez pas passer de la vie après à la mort. Vous êtes un enfant de Dieu. Donc ça, c'est ce que dit la Bible. Maintenant, je vais vous poser juste quelques questions pour voir si vous avez bien compris. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez commis des péchés ? Bien sûr, oui. Comme tout le monde. Où est-ce qu'on tout le monde mérite d'aller à cause de ses péchés à la base ? En enfer. En enfer, exactement. Et qui vous croyez que Jésus est ? Qu'est-ce que vous croyez à propos de Jésus-Christ ? Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Oui, il est le Fils de Dieu, exactement. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu, comme on a vu ensemble. Et si je vous demande qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au paradis, qu'est-ce que vous me diriez ? Qu'est-ce que vous devez faire ? D'après la Bible, c'est clair qu'il faut juste croire. Oui, et j'ai oublié de vous poser une question, excusez-moi, mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous, du coup ? Parce que vous croyez qu'il est le Fils de Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait pour nous aussi ? Il est venu payer pour nos péchés. Exactement, et il est ressuscité. Vous croyez en ça, qu'il est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité ? Oui, bien sûr. Ok, donc vous avez dit de croire. Est-ce que vous pensez que croire, ça suffit, ou vous devez quand même aussi faire des bonnes actions en plus pour aller au paradis ? D'après la Bible, c'est juste croire. Exactement, oui, parce que sinon vous n'auriez pas confiance en lui. Pas à dire que vous croyez en lui si vous devez rajouter vos bonnes actions. Exactement. Et Dieu nous en garde, mais voilà, si vous avez reçu la vie éternelle et que vous faites un grave péché, est-ce que, je dis Dieu nous en garde parce que voilà, on ne veut pas commettre de graves péchés, mais si vous arrivez de faire un grave péché, est-ce que Dieu pourrait vous reprendre cette vie éternelle ? Est-ce que vous pourriez perdre la vie éternelle et aller en enfer ? Non, parce que la Bible promet qu'on ne périra pas. Exactement, oui. Vous avez cette vie éternelle, vous êtes enfant de Dieu, ça peut pas s'arrêter. Ouais. Et si, voilà, un jour vous êtes en colère, et il faut jamais faire ça, mais que vous tuez quelqu'un, est-ce que vous perdriez quand même ce salut ? Non. Non, exactement. On l'a vu ensemble, par contre, Dieu va vous punir. Vous punir pendant votre vie ici. Et c'est quelque chose qu'il faut jamais faire, bien sûr. Mais voilà, Dieu nous punit quand on fait des péchés, d'autres on est grave, mais on peut jamais perdre cette vie éternelle. Et vous vous souvenez, au début, vous m'aviez dit que vous croyez qu'il faut être une bonne personne pour aller au paradis. Et beaucoup, beaucoup de gens croient ça. Et est-ce que vous diriez que vous avez changé d'avis par rapport à avant ? Par rapport à ce qu'on a vu ensemble ? Oui, moi je croyais. Est-ce que c'est différent ? Oui, parce que moi je croyais qu'il fallait être baptisé pour aller au ciel. Et puis, oui, baptisé. En fait, vous n'en avez même pas parlé. Oui. Exactement. Et donc, Dieu nous en garde, mais voilà, si vous étiez arrivé quelque chose hier, heureusement, ce n'est pas le cas parce que vous êtes là aujourd'hui, mais si vous étiez arrivé quelque chose hier et que vous étiez mort, en croyant que c'était le baptême qui vous permet d'aller au paradis et les bonnes actions, où est-ce que vous seriez allé hier, du coup ? Vous pensez que vous seriez allé au paradis ou en enfer ? Je serais allé en enfer. Oui, exactement. Oui. Pourquoi ? Parce que vous croyez dans vos bonnes actions. Mais vous ne voulez pas aller en enfer, n'est-ce pas ? Non. Vous voulez aller au paradis. Ouais. Donc, si vous voulez bien, on va regarder la dernière chose qu'il faut faire ensemble, justement, pour que vous puissiez vous assurer d'aller au paradis. Il y a un verset dans la Bible ici, dans Romains chapitre 10, il est dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc ça veut dire aujourd'hui même. Ça veut dire que si vous dites à Jésus que vous croyez en lui, si vous y croyez dans votre cœur, la Bible dit que vous promet que vous êtes sauvé, vous avez la vie éternelle. Donc si vous croyez tout ce qu'on a vu ensemble, il est dit car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Si vous voulez bien, je vais vous aider. Placez votre confiance en Jésus-Christ afin que vous puissiez être sûr d'avoir reçu cette vie éternelle, d'accord ? D'accord. Et vous pouvez répéter les mots que je vais dire. Vous pouvez répéter après moi, Seigneur. Si vous voulez bien. Vous pouvez dire Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je crois que je suis un pécheur. Je crois que je suis un pécheur. Et que je mérite d'aller en enfer. Et que je mérite d'aller en enfer. Mais je crois que tu es mort pour moi. Mais je crois que tu es mort pour moi. Et que tu es ressuscité. Et que tu es ressuscité. Merci Seigneur de me sauver. Merci Seigneur de me sauver. J'ai confiance seulement en toi. J'ai confiance seulement en toi. Donne-moi la vie éternelle. Donne-moi la vie éternelle. Amen. Amen. Amen. Félicitations si vous avez cru. Aujourd'hui, vous êtes sauvés. Amen. Super. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était un exemple d'évangélisation. Merci frère. Tristan a été sauvé aujourd'hui. Bien sûr, oui. Alors ça fait bien longtemps qu'il est sauvé. C'était un exemple d'évangélisation qu'on a vu ensemble. J'espère que ça a permis de mettre en pratique ce qu'on a vu à travers les quatre messages. Et voilà, je sais que nous tous, on va déjà évangéliser, mais c'est bien d'améliorer notre méthode. Peut-être qu'il y a des gens, comme j'ai dit, qui vont écouter plus tard ou qui vont se rejoindre. C'est bien qu'ils aient une série d'évangélisations à écouter. Donc voilà, c'était la conclusion de ce quatrième message. On va prier ensemble, si vous voulez bien. Merci Père, merci pour cette méthode, Seigneur, qui nous a été transmise, Seigneur. Merci pour les hommes et les femmes de Dieu, Seigneur, à travers l'histoire, qui sont allés prêcher l'Évangile, Seigneur, et on n'a rien d'exceptionnel, Seigneur. On est simple chrétien et on veut répondre au commandement de prêcher l'Évangile, Seigneur. Et merci pour ces personnes qui sont battues pour prêcher l'Évangile. Merci pour cette méthode, Seigneur. Merci pour notre groupe et les personnes qui veulent bien aller prêcher l'Évangile, Seigneur. Je prie que tu bénisses les gens qui vont prêcher l'Évangile. Je prie pour que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui hésitent, Seigneur, qui puissent se préparer à le faire, qui puissent être déterminés, être en route pour aller prêcher l'Évangile, parce que c'est un clair commandement, Seigneur, pour être disciple. Et voilà, je prie pour que tu puisses toujours nous améliorer, nous aider à nous améliorer et à être efficace, Seigneur. Et voilà, on croit que cette méthode est efficace et approuvée et simple. Et merci Père pour ça. Et on prie pour que cette série puisse aider des personnes à l'avenir et que tu puisses rajouter des personnes à notre groupe aussi, que des personnes puissent aller évangéliser, Seigneur. On prie toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.